Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec un disque que j'adore, je ne m'en cacherai pas, Yesterday's, formation roumaine, finalement constituée de musiciens de la minorité hongroise de ce pays. La Transylvanie, me précise le leader Bogati Bokar Akos, leader et multi-instrumentiste en passant, et on va avoir un second extrait de leur album Saint-Exupéry Alma qui est paru il y a quelques semaines. C'est leur quatrième album. Et on aura une autre nouveauté, Caravela Escarlache, un groupe brésilien qui va présenter son troisième album, tout simplement intitulé 3, le 27 janvier prochain. On a un premier extrait, la pièce Bussola do Tempo. Et après, Marc, on se dirige vers l'Italie. En effet, on aura un second extrait du nouvel album de Mauro Martello et Sessione Frenante, l'album Prigionero di Visioni. Alors, on aura la pièce titre. Et ce sera suivi d'un deuxième extrait du nouvel album de Overhead, une formation finlandaise, qui fera paraître son nouvel album Telepathic Minds, un album double, en mars prochain. Et on aura donc pour vous ce soir la pièce Almost Always Near the End. Également, à partir de 21h30, on aura un spécial de 60 minutes avec la formation italienne Phoenix Again et la participation du bassiste Antonio Lorandi qui nous présentera les pièces donc des 4 albums de cette formation. Et on discutera évidemment du nouvel album Vision, excellent album, une des meilleures parutions de rock progressif de cette année. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec un deuxième extrait du nouvel album de Yesterday's. Oh, Atlatso or cognat bon Librem lit Olazas omnius agna Libisht vit Ocendet hongra vato Girdes nit Hola.

I'm not afraid to die. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89. Le 6 décembre, le spectacle Supertramp Memories s'arrêtera à l'Anglicane dans le cadre de la série Mémoire, présentée par Lemieux Nollet. Les fans de Supertramp seront séduits par l'interprétation rigoureuse et énergique des plus grands succès du groupe britannique. Un spectacle mémorable qui touchera les cordes sensibles des nostalgiques. Voyez le Supertramp Memories le 6 décembre à l'Anglicane. Billets disponibles au langlicane.com. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix réguliers en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement en affiche. 23 décembre, Avalonia, un monde étrange. Les Banshees d'Inisherin, Bones and All, Dévotion, Io, Des Nuits de Machal, One Piece Film, Red. L'Opéra National de Paris présente Les Capulets et les Montaigu, Strange World, Le Menu, Le Tigre et le Président. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! CKRL. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Tel que Marc l'a annoncé en début d'émission, on a ce soir un spécial sur la formation italienne Phoenix Again, un groupe qui a été formé au début des années 80 par les frères Lorenzi, c'est-à-dire Antonio Claudio et Sergio Lorenzi. Une histoire de famille, vous l'avez compris. Et le groupe, finalement, va être actif pendant 18 ans, mais n'en disquera jamais. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut voir. Il y a plusieurs groupes italiens de cette époque-là qui ont finalement pas réussi à en disquer. Et donc, le groupe se sépare en 1998, et c'est le décès du guitariste Claudio en 2007 qui va sonner le rappel pour les deux autres frères, qui se donne pour mission de finaliser finalement les compositions, tout ce qui a été composé pendant ces années-là. Et c'est un premier album qui paraît finalement en 2011 sous le titre de 3-4. Et évidemment, notre excuse ce soir pour le spécial, c'est que le groupe nous a présenté cette année un excellent album qui a pour titre Vision, donc c'est une occasion finalement incontournable pour faire un spécial, et c'est le bassiste Antonio qui va nous présenter les pièces de cette première partie du spécial, et ce sera des extraits des deux premiers albums du groupe, c'est-à-dire 3-4, paru en 2011, et Lookout, paru en 2014. Et je cède la parole à Antonio. Welcome to all of you listeners of the radio. I am Antonio Lorandi from Italy, and we are Phoenix Again. We are pleased to be guests here to present our music. The first song you will listen is called Spring, and this is one of our four songs dedicated to the different seasons. Then you will listen Lindbergh, a song much requested by our fans during lives. Both these songs are taken from our first album, 3-4. Vous écoutez présentement Terra Incognita, et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. The next song is Oikres, taken from our second album, Lookout. The name of this song is inspired by the name of our lead guitar, Sergio. Then there is Silver, from our third album, called Unexplored. Thank you.

trying to join the world. And every time I see your face, I walk again like a wanderer in the street. And every time I hear your steps, so many memories. Now it seems so absurd, and there's no reason why I have to be afraid. I feel the sorrow burn inside me, and a new tomorrow that I have to live, that I have to live. The tears are falling all over my lips, like in a rainy day all spring. The fields are calling like echoes from the deep, and every time they join life. So many memories, now we see so absurd, and there's no reason why I have to be afraid. Feel the sorrow burn inside me, and a new tomorrow that I have to live, that I have to live, that I have to in heaven, not in a jungle race. Thank you. finally, we arrive to our new album released in August. Overture is the opening track. Then you can listen Psycho. This album was written during the quarantine imposed by the COVID-19 virus pandemic. The next song is called Propulsione. This name maybe is due to the fact that it starts by a distortion guitar with a strong octave effect. We'll be right back. Again, thank you to all listeners from Quebec and to the radio Terra Incognita. We are distant, but we try to be close thanks to the music and thanks to the communication by the technology. Goodbye! Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi de 18h à 20h, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez repartir avec de beaux prix de présence. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita, on remercie encore une fois Antonio Lorandi pour sa participation sur ce spécial Phoenix Again. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura un artiste québécois, une formation intitulée DU, alias Étienne Dupré, qui a fait paraître son premier album concept le 21 octobre dernier, un album intitulé Arboretum et dont le lancement se fera à Québec le 9 décembre, donc au Pantoum. Alors, on aura la pièce-titre de cet album, mais pour débuter le bloc musical, Michel, on va souligner le fait que le chanteur David Longdon de la formation Big Big Train nous a quittés il y a maintenant un an, et on aura donc une pièce de cette formation. Oui, et ce sera un extrait de l'album English Electric Part 2, un album qui est paru en 2013, et ce sera la pièce épique East Coast Racer. We'll be right back. conclure l'émission de ce soir, on a choisi de vous présenter un extrait de l'album Svartisen de la formation norvégienne Kornmo, un album paru en 2017, et incidemment, le second album Vandring, paru en 2019, va être réédité en janvier, donc 4 ans après son lancement. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL. Avec le temps. En 2023, CKRL va fêter son 50e anniversaire. Un monde en apparence inaccessible.